Donc, on avait pris le principe d'un Corinthiens chapitre 2, ou chapitre 1, c'est-à-dire, où Paul disait que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu, ou une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruis la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents, où est le sage, où est le scribe, où est le raisonneur de ce siècle. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? » Donc, est-ce que Dieu a convaincu de folie la sagesse du monde? Par Israël, c'est évident. Mais en dehors d'Israël, c'est moins évident. Premièrement, dans un petit livre que Pasteur Stevens a écrit ici, dans le premier chapitre, Pasteur Stevens nous rappelle ici que la guerre dans laquelle on est engagé, elle vise un but. D'après vous, qu'est-ce qu'elle vise? Oui, mais dans le sens, qu'est-ce qu'elle vise à conquérir, à posséder, à saisir? Qu'est-ce qu'il terrain que le diable va avoir? La pensée. Il va avoir votre pensée, car tel il est dans son cœur, telles sont les pensées de son cœur, tel il est. Donc, ce qu'il va avoir le malin, c'est votre attention. Ça marche? Proverbe 23, 7. Nous parle du principe de faire attention avec qui on mange, avec qui on côtoie, parce qu'il nous rappelle que telles sont les pensées de son cœur, tel il est. Proverbe 23, 7. Maintenant, dans 2 Corinthiens 4, 4, on est rappelé que le Dieu de ce monde, donc le Dieu des minuscules de ce monde, c'est pas Jésus-Christ et c'est pas Dieu le Tout-Puissant. C'est Satan. Ça marche? Le petit Dieu, donc celui qui se fait passer pour Dieu dans ce monde, voile l'intelligence des hommes, afin qu'ils ne croient pas. Donc, il produit un principe d'incrédulité. Parce que Paul rappelle ici le principe que ce n'est pas notre évangile qui est voilé, mais plutôt l'entendement de l'homme qui est engourdi puis voilé. Donc, ce n'est pas que la Bible est compliquée. Ce n'est pas que les chemins de Dieu sont bizarres. C'est que nous, on est tellement devenus étranges que les choses simples, on ne les saisit plus. On ne saisit plus rien qui est simple, qui est évident. On est mêlé, on est complètement tordu, et puis c'est l'œuvre merveilleuse du diable. Maintenant, c'est vrai quand on regarde ça, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a un problème, c'est qu'on a trop insisté, en prêchant l'Évangile, de rendre les gens honteux de leur état. Et non de travailler vraiment avec Dieu, ayant compris la pensée de Dieu, pour exposer la racine du péché. On a trop mis l'accent sur les fautes des gens, et non pas ce qui causait la faute. Et donc, la plupart des gens qui se sont convertis, puis j'avance un chiffre, mais je pense que je me trompe pas, 99% des gens qui se convertissent, c'est beaucoup ça, vous n'êtes pas là-dedans, c'est sûr, mais ailleurs. Je m'inclus dans 99%. Je me suis converti pour que ça me rende meilleur. Ben, mais c'est normal. On veut devenir comme Dieu, pur, saint, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Peut-être. Mais vouloir devenir saint, c'est charnel. Ben, mais voyons, ça n'a pas de bon sens. Certainement que ça a du bon sens. Vous allez voir avant la fin du cours comment ça a du bon sens. Vouloir devenir bon, c'est charnel. Vouloir devenir meilleur, c'est charnel. Parce qu'encore une fois, c'est le savoir de ce qu'on devrait être et on est toujours encore séparé de Dieu. La plupart des croyants ne réalisent pas que le trouble n'est pas ce qu'ils sont en eux-mêmes, mais le drame d'avoir été séparé de Dieu. Quand le jeune homme riche est venu vers le Seigneur et puis lui a dit, « Bon maître, que dois-je faire pour mériter la vie éternelle? » Avez-vous remarqué comment le Seigneur lui a répondu? « Pourquoi m'appelles-tu bon? » Un seul est bon. Jésus remet tout de suite les choses en place. « Pourquoi m'appelles-tu bon? » Un seul est bon. Le Seigneur vient de révéler exactement la source de ce qu'on appelle dans la Bible ce qui est bon. Maintenant, la Bible nous dit que le cœur de l'homme, il est méchant. tortueux et méchant par-dessus tout. Il est méchant. Tu dis, tabarnouche, mais ça, on vit pas dans le même pays. Mais ça, oui, on a des problèmes au Québec, mais pas si méchant que ça. Méchant. Maintenant, qu'est-ce que Dieu entend par méchant? C'est sûr que pour nous mettre l'image évidente, il va monter le pire du genre humain. Bon, on n'a pas besoin d'aller tellement loin pour voir le pire du genre humain. Mais le drame dans tout ça, c'est qu'on a annoncé un évangile noir et blanc. Quand la majorité du monde vit dans le gris. Ça fait que finalement, s'il y avait une petite pointe de gris foncé dans ma vie, on me pognait là-dessus. Ah, oh, tu vois comment t'es méchant? Ah, oh, peut-être, ouais. J'ai une petite pointe de gris foncé. Ça va bien? Puis là, mais j'ai une petite pointe de gris pâle, par exemple. J'ai du gris pâle pas mal, je trouve. Je suis moins foncé qu'un autre. Et puis, la plupart d'entre nous, finalement, on s'est convertis sur le pardon des fautes. Et puis, notre vie chrétienne est devenue pardonner des fautes. Et puis, notre obsession après ça est devenue plus de fautes. Faute ou pas faute? Là est la question. Et les gens sont devenus littéralement absorbés et obsédés d'eux-mêmes sur le niveau de faute ou pas faute. Et c'est exactement ce qui est le monde. Le monde, c'est pas d'être méchant, puis le ciel, c'est d'être bon. Le monde, c'est d'être séparé de Dieu. Bon ou pas bon? Pourquoi m'appelles-tu bon? Un seul est bon. Ça, c'est un principe qu'on va voir dans ce cours-là. Et je vous garantis, si vous ne l'avez pas vu, puis vous ne l'avez pas compris encore, ça va métamorphoser votre concept total de ce que c'est de marcher avec Dieu. Vous allez comprendre pourquoi Dieu est pour Abraham quand Abraham a menti. Puis qu'Abimélec, lui, n'a pas menti. Puis vous allez comprendre pourquoi David est un homme selon le cœur de Dieu, et non pas Saül. Et pourtant, David est un gars qui avait des problèmes avec des adultères, c'est un gars qui avait des problèmes, qui a même fait tuer un homme, mais c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui était cette caractéristique de David? Sûrement pas ses actions seulement. Il doit y avoir quelque chose d'autre dans la vie de cet homme-là qui fascinait, littéralement, qui fascinait Dieu. David ne peut pas produire du bon. Mais David a un concept dans sa vie que la plupart d'entre nous aujourd'hui, on ne comprend pas. Nous, là, on a de l'air, hein? Des gens en trouble de comportement, d'identification. On est vraiment des gens en crise. On est devenus manipulateurs par besoin. Vu que personne ne fait attention à nous, on essaie par le succès d'attirer l'attention. Si ça ne marche pas, on s'en va dans l'autre bord pour attirer l'attention. Parce que ça arrive d'une manière ou d'une autre. Prenez l'exemple de... Vous avez toujours été quelqu'un d'assez bien. Tranquille, faites pas de trouble, gentil. Vous êtes gris pâle. Ça marche? Vous êtes un gris pâle. Non, c'est du bon monde. Bien mieux avoir des voisins gris pâles qu'avoir des voisins gris foncés, tu comprends? Ça fait que vous êtes du type gris pâle, puis tu sais, tout va bien. Vous n'êtes pas du type à faire du trouble à personne. Même, vous êtes assez gentil, vous aidez les gens, puis... Vous avez des problèmes, vous n'en parlez pas. Vous n'êtes pas du style à alourdir la vie des autres. Vous accaparez rien. T'sais, vous êtes, si vous pouvez donner un coup de main, vous en donnez. Vous êtes du style agréable. Il y en a de ça, tu sais. Il y en a. Ça fait que, à un moment donné, vous êtes dans un groupe. Et puis là, dans ce groupe-là, il y a du gris foncé. Il y a deux, trois gris foncés qui sont là. Puis eux autres, ils ont toujours du trouble. Puis ils attirent toute l'attention du groupe. Quand c'est le dernier morceau de fromage, par exemple, en camping, si on s'en va, c'est le dernier morceau de fromage, ils font la crise. Ça fait que les gris pâles, qu'est-ce qu'ils font? Bon, ils jouent aux parents. Si on prend toujours les parents des gris foncés. Vrai? Les gris pâles sont les parents des gris foncés. Ça fait que, bon, on sacrifie le morceau de fromage. Tu voudrais l'avoir le morceau de fromage. T'as le tien, tu l'as réservé à la fin, tu ne l'as pas mangé vite ton repas pour garder ton fromage à la fin. Lui, il mange comme un sarf. Puis je veux dire, il a encore faim parce qu'il mange tellement vite, son instrument n'a même pas le temps d'y envoyer le signal en disant on a plus faim. Fait qu'est-ce qu'il fait? Il est sûr qu'il va mourir de faim s'il ne peut pas avoir le dernier morceau de fromage. C'est un gris foncé. C'est souvent à la table qu'on peut vraiment sentir l'écart entre le gris pâle et le gris foncé. Et même les gris pâles peuvent, des fois, foncer un peu durant les repas. Ça fait que vous vous taisez. Vous vous taisez, ça fait une couple de jours que vous êtes en vacances avec ces gens-là. Vous commencez à vous demander si vous avez fait une bonne affaire de partir en vacances avec ces gens-là. La pression monte, mais vous êtes du style pas de chicane. Puis le gris foncé, il s'en est toujours tiré, lui. Chez eux, c'est le plus capricieux, ses parents disent aux autres, t'es plus vieux, tu devrais comprendre. Fait que tout le monde a toujours été plus vieux que lui, tu comprends, même les plus jeunes. Puis ils l'ont toujours couvert. Fait ses crises, fait tout. Tu sais, tout le monde veut pas de pression, tout le monde veut pas de trouble. Fait que tout le monde l'a couvert, puis lui, toute sa vie, il a vécu comme un saf. Ça fait que vous, vous êtes du style grippal, là. Vous dites rien, ça fait 3 semaines qu'on est en vacances. Malheureusement, on est parti pour 6 ans. Oui. Là, vous sentez que... Oui, c'est des grosses vacances. Vous sentez que... En passant, c'est parce que ça, c'est vraiment un conflit qu'on peut rencontrer souvent chez l'élite. On s'en va sur le champ de mission. On a tout vendu. On part avec l'étendard du Seigneur vers les terres étrangères, convertir les païens. Oui? On est l'élite. Nous partons. Fait que vu que le milieu n'était pas trop drainant à la maison, parce que chacun, après les réunions, retournait chez eux, on n'avait jamais eu l'expérience de vivre ensemble plus longtemps que quelques réunions, que là, on se retrouve sur le même bateau. En plus, vous êtes sur un bateau, okay? Vous êtes sur un bateau. La Gracia, pas tellement grand. Vous faites le tour du bateau assez rapidement. Vous êtes du style tranquille. À un moment donné, vous pognez votre crise de nerfs. Mais vous en pognez une bonne. Là, 6 mois de frustration accumulée sont en une conversation de 3 minutes et quart. De quoi faire lever le toupette du gris foncé. Vous y faites savoir ces 4 vérités, il n'y a plus rien qui se contrôle en dedans de vous. Pourquoi? Vous êtes écœuré, vous avez l'impression que ça donne rien d'être du gris foncé. Et puis, si c'est ceux qui ont du trouble tout le temps qui attirent l'attention. C'est ceux qui gueulent tout le temps et plus fort qui ont le dernier morceau de fromage. C'est ceux qui vont toujours faire de la pression. Ben parfait, j'arrive! Je vais me mettre de la game! Finalement, il y a un problème. Parce que il y a une sagesse. On a vécu sur une sagesse. La sagesse du gris pâle. Ça marche? Maintenant, le gris foncé vivait aussi selon sa sagesse. La sagesse, c'est juste savoir combiner vos affaires pour arriver à ce que vous voulez. Que ce soit bien et noble ou méchant comme but, peu importe, c'est de la sagesse pareil. D'en haut ou d'en bas. Maintenant, Dieu, son but, c'est de convaincre le monde de folie. Maintenant, les plus faciles à convaincre sont qui? Les gris foncés. Et même les gris pâles leur disent, ah, crime, ça c'est pour toi. Souvent, les grippants sont capables de vraiment hocher la tête avec le Seigneur en disant « Mon doux, s'il pouvait entendre ça. » Vous n'avez jamais entendu un message pour quelqu'un d'autre? « Ah, mon doux, s'il était là, il serait-tu béni? » Surtout moi. Mais ils sont jamais là, les gris foncés. Mais ils sont les plus faciles à convaincre, les gris foncés, parce que par eux-mêmes, ils sont convaincus d'être pas normal trop, les gris foncés. Mais le gris pâle, c'est lui que Dieu veut convaincre de folie. L'autre, il est déjà fou. Ça va-tu? Mais le gris pâle, il est tout aussi fou, mais c'est moins évident. Il est tout aussi malade, mais ça paraît pas. Puis il est pas enseignable, parce qu'il sait. Il est sobre. Il est balancé, il est proche du blanc. Dieu veut convaincre le monde. Tout ce qui est pas né de Dieu, c'est le monde. Point final. Dieu dit qu'il a convaincu le monde. Israël, je peux comprendre, vous avez les prophètes d'un bord à l'autre du livre, puis on est devenu familier avec ça, fait que je vais vous pogner par quelque chose d'autre. Je vais vous pogner par Platon. C'est vrai, moi, je suis moi-même surpris. Hey, la philosophie des païens. Il dit, ne vous laissez pas avoir par la philosophie, tu sais. Ben, soit vous allez vous faire avoir par la philosophie. Vous allez voir qu'il y a la philosophie, puis là, quand je vous parlais tout à l'heure du principe de la philosophie, une philosophie saine va produire le même résultat. Mais par contre, le problème, c'est que la philosophie du monde n'amène pas la solution, mais elle prédispose à la solution. Mais elle n'amène pas la solution. Fait que faites attention de mépriser des connaissances vraies, qui ont peut-être pas de solution, mais qui exposent la vérité. Donc, c'est pour ça qu'on va étudier dans le cours d'éthique que Jésus-Christ, en passant, se revendique tout le bien qui se fait sur la terre. Mais en passant, qu'il se fait pas par l'Église. Fait qu'il faut faire attention à ça. L'exemple de Corneille et d'autres, on va voir plus tard. Mais ça, c'est dans le cours plus tard. Ça va être effrayant, les découvertes que vous allez faire là-dedans. Maintenant, je vais vous parler, qui connaît Socrate? Tout le monde a entendu au moins le mot Socrate, vrai? Bon, OK. Qui a déjà lu? Moi, j'ai inclus hier soir sur lui. Faites pas de complexe. Mais, par hasard, je tombe là-dessus, je me dis qu'il faudrait bien que je le lise. L'apologie de Socrate. Socrate n'a pas écrit, mais c'est Platon qui a écrit l'apologie de Socrate. Socrate, c'est un monsieur qui aimait les gens d'Athènes et puis était convaincu que le Dieu, d'après lui, n'oublie pas, Athènes croit à plusieurs dieux, mais lui, il arrive à la déduction puis est convaincu que le Dieu, en passant, qu'il appelle le Dieu de Delphes, le Dieu lui a donné une mission. Depuis qu'il était tout jeune, le Dieu semble lui parler par des songes, lui parler par sa conscience. C'est quand même assez fascinant de lire ça. OK? Donc, il va donner un principe, entre autres, qui est intéressant. Si vous le prenez en note, vous allez voir comment ça peut être ingénieux dans votre vie. Ça, si vous avez l'habilité de le faire, mais ça, il faut être habile pour faire ça. Socrate va dire, entre autres, que ceux qui m'entendent, Socrate parle ici. Puis ça, ça cause des problèmes parce qu'ils vont lui demander de se tuer après, tu comprends? Mais ceux, il dit, ceux qui m'entendent s'imaginent toujours que je sais les choses sur lesquelles je démasque l'ignorance des autres. Je répète ça. Ceux qui m'entendent s'imaginent toujours que je sais les choses sur lesquelles je démasque l'ignorance des autres. En passant, il ne sait pas plus. Il ne sait pas plus. Mais il n'y a rien qui fait plus la face que de voir un gars qui pense les savoir. Puis le but de ce Dieu, c'était de lui mettre une mission en disant, je te donne pas la réponse, parce que les oracles de Dieu ont été donnés à Israël. Mais néanmoins, puis Don Richardson, entre autres, dans son livre « L'éternité dans leur cœur », fait mention de certains philosophes grecs qui ont eu cette sagesse, mais qui n'avaient pas la réponse. Don Richardson. OK, je vais vous le répéter. Mais je vais vous mettre dans le contexte encore. Que Don Richardson montre que Dieu prédispose, organise, la providence de Dieu prépare le terrain. Et beaucoup d'entre vous, puis c'est mon vœu, puis c'est mon désir, puis c'est la raison pour laquelle que je vous ai captivé ici, c'est que vous finissiez un jour ce chemin missionnaire, peu importe où il est ce chemin missionnaire. Donc, dites-vous une chose, Dieu avant de vous envoyer à quelque part, il a déjà préparé lui-même le terrain. Nous, dans notre arrogance et dans notre orgueil, Dieu ne peut pas parler en dehors de nous. Et c'est ce qui a fait qu'on a détruit beaucoup de peuples, puis qu'on a condamné beaucoup de gens qui étaient peut-être prêts à écouter, mais nous, on n'a pas été prêts à les aimer, à les écouter et à connaître leurs besoins. On arrive avec des stéréotypes. Et c'est pour ça que ce cours d'éthique va littéralement blaster, neutraliser, détruire l'arrogance naturelle dans l'Église qui se veut spirituelle. Afin qu'on aspire et qu'on recherche la connaissance de Dieu qui démolit la nôtre et qui nous rend serviteurs d'une manière incroyable et qui nous fait rentrer dans la providence de Dieu et qui donne une puissance à notre ministère inimaginable parce que finalement, on n'a pas besoin de réinventer la roue. Dieu a déjà préparé les choses. Nous, on est là, on recommence à zéro. Socrate, il dit, « Ceux qui m'entendent s'imaginent toujours que je sais les choses sur lesquelles je démasque l'ignorance des autres. » Mais regarde bien ce qu'il continue à dire. « Mais il y a bien des chances, parce qu'il parle à ses juges qu'il condamne, mais il y a bien des chances que le Dieu soit réellement sage et que par cet oracle... » En passant, l'oracle, c'était que Socrate était supposé être plus sage que les autres. Puis il dit, je vais vous dire pourquoi je pense que c'est le Dieu qui dit ça. Vous allez voir, ça a l'air arrogant au début, vous allez voir. Mais il y a bien des chances, juge, que le Dieu soit réellement sage et que par cet oracle, il veuille dire que la sagesse humaine n'est pas grand-chose et même qu'elle n'est rien. Et s'il a nommé Socrate, il semble bien qu'il ne s'est servi de mon nom que pour prendre comme exemple. C'est comme s'il disait, le plus sage d'entre vous, hommes, c'est celui qui est reconnu comme Socrate, que sa sagesse n'est rien. Donc, regardez, il y a quelque chose de phénoménal là-dedans. Tant et aussi longtemps que cette grâce ne nous a pas été accordée, parce qu'en passant, on la demande rarement, c'est vrai, d'avoir réduit toute notre sagesse à rien, on peut pas apprendre de Dieu ce qu'il a à nous dire. Parce qu'on sait! Vous avez déjà essayé de travailler avec quelqu'un qui sait tout, mais qui sait rien, c'est ce que je veux dire. Mais lui, il sait pas que c'est rien. Vous avez déjà essayé de travailler avec ce monde-là? Oh, si trop. C'est quelque chose qui te use. Tu vois, ben, là, ça fait passer même le blanc au noir quand tu travailles avec ce monde-là. Ils te font disjoncter parce que c'est le comble de l'ignorance. Le comble de l'ignorance, c'est le gars qui sait tout. Ça, c'est comme capotant. Ça, là, c'en est peurant, même. La Bible dit qu'il y a l'insensé, elle l'appelle l'insensé. Je peux pas dire autre chose parce que je suppose que les cours s'en vont. L'insensé, t'auras beau le mettre dans un... Dans un quoi? Un pétri, ou je sais pas trop, dans une affaire à piler, en tout cas, là. Un mortier. T'as beau le mettre dans le mortier puis de le piler. T'arriveras pas à séparer de lui la stupidité. Maintenant, qu'est-ce que c'est la stupidité dans la Bible? C'est la sagesse de ce monde. C'est de savoir quand tu sais rien. C'est d'ouvrir ta bouche puis d'avoir rien que des niaiseries à dire. La sagesse qui est fondamentale, mais qui n'est pas encore la solution à notre problème, elle n'est pas encore la solution à notre problème. Elle ne solutionne rien. Elle ne cause plus de problèmes, elle ne solutionne rien. Mais tant aussi longtemps qu'on n'est pas rendu là, tant qu'on n'est pas ruiné, tant que c'est pas abattu, rappelez-vous Paul qui disait d'abattre les tours de raisonnement qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. D'abattre les tours de raisonnement, des forteresses de raisonnement contre la connaissance de Christ. Et qui est prisonnier? Arrêtez de penser au monde. Et voyez-vous prisonnier dans ces tours de raisonnement. Et quand Dieu se met à attaquer à coups de bélier votre tour, vous savez c'est quoi un bélier? C'est un énorme bio où est-ce que plusieurs hommes, là, ils tiennent puis ils foncent dans ta porte. Puis le Saint-Esprit, il vient souvent avec un bélier épeurant. Il fonce dans ta porte. Il fonce dans ta tour de raisonnement qui se met à faire de la poudre. Là, t'es là, « Seigneur, arrête-toi! Tu vas faire des victimes! » Puis le Saint-Esprit convoite qu'une seule chose, détruire les raisonnements de la chair. Savez-vous pourquoi? Devinez pourquoi. Devinez pourquoi? Oui. Premièrement, la chair est une inimitié contre Dieu. Elle ne veut et ne peut se soumettre à Dieu. C'est même pas qu'elle veut pas. Même si elle voulait, elle ne peut pas. Ne parlez pas de distraction, ils doivent partir aller chercher du monde à l'aéroport, puis d'autres doivent aller travailler. Elle ne peut pas, même si elle voulait se soumettre à Dieu. Elle ne peut pas. Mais le problème avec la chair, c'est qu'elle a déjà produit les raisonnements dont chacun de nous, on est encore esclave. Et qu'est-ce que la vraie sanctification? La vraie sanctification, c'est pas de devenir meilleur, c'est d'avoir d'abord nos faux raisonnements totalement abattus afin que la parole de Dieu devienne régnante dans mon entendement. Et l'action authentique, c'est l'action qui vient de la parole de Dieu et que j'ai pas en raisonner parce qu'elle est devenue évidente. Elle est devenue normale et évidente. Mais pour que ça soit arrivé à ça, il faut que d'abord on soit ruiné dans notre sagesse naturelle. Socrate disait, les gens me pensent intelligent, les gens pensent que je sais le sujet où je dénonce quelqu'un, je l'amène à montrer qu'il ne sait pas. Mais Socrate veut simplement dire, en passant les gars, moi non plus je ne sais pas, mais ma sagesse c'est d'avouer et de dire que je ne sais pas. Maintenant, je vais vous parler d'un autre prophète dont Paul se sert pour parler comme quoi Dieu a réduit à folie la sagesse du monde. Et certains hommes ont été sensibles à Dieu parce que Paul parle d'eux autres au chapitre 2, quand il dit que eux, ayant la loi écrite dans leur cœur, la vraie circoncision, c'est celle du cœur. Vous vous rappelez? Dans Romains chapitre 2, à partir du verset 27, si je ne me trompe pas. 27-28, le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision n'est pas celle qui est visible dans la chair. Un peu plus beau, il dit... Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi. Et les ordonnances de la loi, c'était de nous amener à qui peut être sauvé. J'attends de lui un libérateur. C'est sûr que ça ne peut pas venir de moi. Mais tant et aussi longtemps qu'on espère en nous, notre malheur est là. Donc Socrate comprend le principe. Mais Paul va citer un autre prophète, pas un prophète, mais un autre philosophe grec. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Mais c'est le philosophe qui, lorsqu'à Athènes est pris avec une peste terrible, on sacrifie à tous les dieux pour savoir contre quel Dieu on a péché, quel Dieu s'énerve contre nous, de quel Dieu vient cette peste, et finalement, il semble qu'aucun Dieu répond. On arrive à la conclusion, un sage arrive à la conclusion que c'est le Dieu inconnu qui qui est au fond le Dieu des dieux, puisqu'il n'y a pas un Dieu assez grand pour annuler. N'oubliez pas, chez les Grecs, c'est que les dieux, entre eux autres, ils se faisaient des jalousies, ils se tapaient dessus. Un envoie un malheur, l'autre, c'est un autre Dieu pour toi, il neutralise le malheur de l'autre. Fait que tu t'arrangeais d'avoir au moins de ton bord le Dieu le plus gros, tu comprends? Fait que même si tu avais 3-4 petits dieux qui t'écœuraient, ton gros Dieu pouvait s'arranger à ce que les petites affaires des petits dieux te fassent pas de trouble. Maintenant, le problème, en plus, on les collectionnait. À tous les peuples qu'on envahissait, on amenait ces dieux à maison. On sait jamais. Ils étaient plus gros que les autres. C'est vrai? Ça fait qu'on les ramassait toutes, puis on avait même une place pour eux autres. C'était tout ensemble, on avait un peu partout au coin des rues, on avait partout des dieux, c'était épeurant. Ça fait que Rome, pas Rome, mais Athènes est pris d'une peste, ça va mal, c'est catastrophique, on sait plus quoi faire, on sait plus à quel saint se vouer, c'est vraiment le cas. Et puis là, à un moment donné, je pense que c'est dans l'île de Crète, il y a un singe. C'est un poète. Ce poète-là, il leur dit, c'est simple, le problème est simple, il faut sacrifier au Dieu inconnu qui semble être le Dieu des dieux. Puis les gens ne viennent pas. Il faut aller faire chercher ce gars-là pour qu'il s'arrange avec le Dieu qu'on ne connaît pas, qui arrange tout ça, tu comprends? Ils vont le chercher. Puis le gars qui va le chercher se demande vraiment si on a besoin d'un Dieu de plus, tu comprends, dans la game. Parce que ces nombreux dieux-là amènent de plus en plus de ridicule, puis les gens commencent à se demander s'il y en a vraiment des dieux. Puis lui, il arrive en disant maintenant, si le Dieu inconnu, qu'on avoue sagesse encore, qui renverse la sagesse de ce monde, vous êtes devenu sage la journée que vous savez que vous ne savez plus. Mais tant que vous avez votre mot à dire tête de cochon, vous êtes cave. C'est ça que ça veut dire. Ce Dieu! On va voir s'il veut nous en sortir. Peut-être qu'il veut, peut-être qu'il ne veut pas. Vous vous rappelez comment ils ont fait? Les brebis, c'est des bœufs, je pense. Ou des vaches. Ou des brebis, les brebis, c'était les brebis. On se trouve avec les autres, avec... Les brebis. Et puis là, s'ils partaient dans une certaine direction sans manger l'herbe le matin, c'était que ce Dieu acceptait les sacrifices qu'on lui ferait, et puis il s'arrangerait pour clairer la peste. Comme de fait, le signe s'accomplit, tout le matin, tout le monde est là, on regarde les brebis marchent dans la direction qu'ils doivent marcher, mangent rien, se met à beugler de tous les bords, je veux dire, mais touche à rien, on est là, on loue ce Dieu inconnu, et puis là, on va y bâtir un autel pour sacrifier, naturellement, les brebis. Il y a un jeune SMAP qui arrive, parce qu'il y a toujours des SMAP. Le SMAP, c'est le Dieu, c'est le gars qui veut mettre un nom au Dieu. C'est celui qui veut nommer ce qu'on ne peut pas nommer parce qu'il ne sait pas nommer. C'est celui qui croit ou qui veut manifester savoir quand il n'y a rien qui a été révélé. Lui, il veut mettre un nom à ce Dieu. L'autre l'arrête en disant, « Es-tu malade? » Le mieux que ce Dieu-là, on peut lui donner comme nom, c'est à un Dieu inconnu. Et d'avouer notre ignorance et de s'en tenir là, de dire, « On est ignorant du Dieu qui est le vrai Dieu. » Et c'est pour ça que Paul arrive en disant, « Maintenant, moi, connaissant en plus l'histoire, sachant très bien que Dieu les a visités, sachant très bien que Dieu prépare toutes les nations et réduit toutes les nations dans leur sagesse à de la folie. Moi, je vais vous en parler du Dieu inconnu. Maintenant, ce même Platon, finalement, c'est Platon qui écrit sur Socrate, va donner un autre point intéressant. Parce que notre sagesse, regardez bien comment elle opère. Quelque chose de fabuleux. Bon, ben Socrate, il va être condamné à mort. Maintenant, les gens lui demandent de plaider, puis de s'arranger. Écoute, il y a 70 ans, pourquoi tu vas vivre une vie comme ça? Tu sais, puis il y avait moyen que, la manière qu'on fonctionnait, c'est que le jury te condamnait à quelque chose, toi, tu fais proposer une autre sentence. Tu vois, il fait proposer, OK, les gars, vous me condamnez à mort, moi, je vous propose, par exemple, l'exil, ça va-tu votre affaire? Puis si le conseil dit, OK, on accepte que tu prennes l'exil, il pouvait prendre quelque chose du genre. Ou encore, écoutez, je vous propose tant pour ma rançon. Puis il y avait plein d'amis riches qui voulaient payer pour lui. Puis lui, c'était un tout nu. C'était un tout nu parce qu'il ne s'est jamais bardé d'organiser sa vie, parce qu'il était totalement consacré à ce Dieu qu'il ne connaissait pas, qui lui avait tout simplement dit d'exposer la folie des hommes. Et de leur dire qu'ils ne savent rien, et de leur prouver qu'ils ne savent rien, puis sa méthode, c'était de leur faire poser des questions jusqu'à temps qu'ils s'avouent être totalement ignorants de la situation. Ouais, c'est un gars qui est intelligent. Là, il arrive ici parce que les gens lui disent, mais pourquoi tu n'essaies pas de te sauver? Quand il était jeune, il a fait la guerre. Puis il leur rappelle ici un principe important. Puis regardez bien. Puis essayez de comprendre ici, ça va être vital pour nous, et c'est vital pour nous quand on annonce l'Évangile, parce que encore une fois, notre arrogance et notre orgueil et notre manque de brisement a fait que l'Église évangélique est totalement sans puissance. Ce serait donc de ma part un étrange contraste athénien, ou contradiction athénienne, si après être resté tout comme un autre à risquer la mort dans tous les postes où les généraux que vous aviez élus pour me commander m'avaient placé, les noms des endroits. Parce que, n'oubliez pas, il était mal à la guerre. En tant que guerre, quand on te met un poste, on ne te demande pas de déserter, vrai? Si tu désertes, c'est vraiment qu'il y a un crime horrible. Il dit donc, « J'allais maintenant, par crainte de la mort ou de tout autre danger, déserter le poste où je me suis. » Puis là, il est assez humble pour dire, « Imaginez et persuadez que le Dieu m'appelait en m'ordonnant de vivre en philosophant et en m'examinant moi-même et les autres. » Cela serait... c'est cela qui serait grave. Et c'est alors vraiment qu'on pourrait me traduire en justice pour ne pas croire à l'existence des dieux, puisque je désobéirais à l'oracle, que je craindrais la mort et que je me croirais sage alors que je ne le serais pas. Les gens qui fuient les circonstances se croient sages en disant, hey, j'ai évité la mort. Mais lui, il dit, non, craindre la mort atteignait. Puis là, c'est vraiment capotant, vous allez voir. Moi, je ne l'avais jamais vu de même avant hier soir. Car craindre la mort, Athénien, ce n'est pas autre chose que de se croire sage. Tu sais, je veux dire, il me semble que quelque chose que je ne connais pas, tu sais, craindre la mort. Puis il dit, non, non, dans tout ce qu'il a vécu, puis dans le peu qu'il savait, il dit, non, non, écoutez, craindre la mort au point où j'en suis rendu, Athénien, avec tout ce que je vous ai philosophé, puis je vous ai talonné, il dit, j'étais comme un thon qui sans arrêt vous pique les fesses, comme les fesses d'un gros cheval pour vous faire avancer sans arrêt. Craindre la mort, Athénien, serait pas autre chose que de se croire sage, regardez bien, alors que l'on ne l'est pas, puisque c'est croire qu'on sait ce qu'on ne sait pas. Avez-vous catché le point? Je vais répéter. Car craindre la mort, parce que les gens ils disent, écoute, essaie de faire quelque chose, évite, fais n'importe quoi, sauve-toi. Il dit, si je me sauve, j'abandonne l'oracle, le poste que je suis persuadé que le Dieu me dit de tenir. Maintenant, si le Dieu me dit de tenir ce poste-là, et je me sauve, les gens vont penser en disant, bon, mais il est sage. Lui, il dit non. Non, il dit, parce que regardez bien le raisonnement qui sort. Car craindre la mort atteignée, ce n'est pas autre chose que de se croire sage, alors que l'on ne l'est pas, puisque c'est croire qu'on sait ce qu'on ne sait pas. Il dit, on ne sait pas ce qu'est l'autre bord. Mais je me mets à craindre ce que moi je crois qui est dangereux, mais que personne ne m'a rien dit. Il continue à regarder bien. Personne, en effet, ne sait ce qu'est la mort. Et si elle n'est pas justement pour l'homme le plus grand des biens, et on la craint, comme si on était sûr que c'était le plus grand des maux. Avez-vous l'apôtre Paul, il dit, la mort est un gain? Le Seigneur, il a montré quelque chose. Pendant que nous autres, on est là, ah oh oui, ça va être merveilleux d'être avec le Seigneur, hein? Ben, pas à soir, disons, là, on peut attendre encore. Vrai? Qu'est-ce qui nous donne de crainte? D'où vient la crainte? La crainte vient après la chute, et après la chute, dans Genèse chapitre 3, verset 7, il dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Et ça, on parle de perception, on parle d'une nouvelle sorte de sagesse. Et c'est cette nouvelle sorte de sagesse qui n'est pas celle de Dieu, qui nous donne de vivre toute notre vie dans la honte, et dans la crainte, tous, sans aucune exception, tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'est pas parlé des fautes, là. Il est parlé du péché qui nous a tous séparés de Dieu et qui nous fait tous vivre d'une manière assez étrange. La motivation qui nous motive la part entre nous est totalement malade. Mais on ne veut pas se l'avouer parce qu'on se dit sage. Personne, en effet, ne sait ce qu'est la mort. Et si elle n'est pas justement pour l'homme le plus grand des biens, et on la craint, comme si on était sûr que c'était le plus grand des maux. Et comment ne serait-ce pas là cette ignorance répréhensible qui consiste à croire qu'on sait ce qu'on ne sait pas? C'était ça le simple message de Socrate toute sa vie. Arrêtez de croire ce que vous savez même pas. Est-ce que l'Église est innocente de ce péché-là? Non. Avez-vous remarqué la tendance des chrétiens qui est de crier au diable et aux démons toutes les nouveautés qui arrivent? Saviez-vous qu'il n'y a pas tellement longtemps, quand les lunettes ont sorti, l'Église était contre les lunettes? C'était le monde! Il n'y a pas tellement longtemps, la bête, c'était les ordinateurs. On est une gang de caves en vacances. Mais le drame, c'est que c'est pas qu'on est cave qui est le problème. C'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est pas qu'on manque d'intelligence. C'est pas notre problème. Notre problème, c'est qu'on dit qu'on sait. Notre problème, c'est qu'on veut pas croire Dieu. Notre problème, c'est que rien arrive à détruire les tours de raisonnement dans lesquels on s'est mis. Et on essaye même, à la limite, qu'elle soit polie, cette tour. Dieu, veux-tu la faire plus belle, ma tour de raisonnement, qui est au fond une connaissance qui s'élève contre lui? La plupart d'entre nous, on se sent coupable, même après avoir confessé nos péchés. Pourquoi? Parce qu'on croit ce que Dieu a jamais dit, qu'il ne nous a pas vraiment pardonné. D'où vient cette sagesse? D'en bas. Accusatrice, c'est ce que ça veut dire démoniaque en passant. Diabolique, accusatrice, qui calomnie. D'où vient qu'on est des étranges et que ça peut prendre des années et qu'on a toujours raison? Avez-vous remarqué que quand on va confesser nos fautes à Dieu ou aux autres, c'est jamais une pure faute? C'est toujours gris pâle. Écoute. Hier, là, j'ai dit de l'affaire. Mais attends, laisse-moi t'expliquer. C'est parce que, bling, bling, bling. Là, tu grisonnes l'affaire pour la rendre plus palette. Fait que là, tu dis, maintenant, tu comprends pourquoi tu devrais me pardonner. Dieu ne nous a pas demandé, si tu m'arrives avec des bons arguments, m'a te pardonner. Non, Dieu me dit, si tu confesses. Puis confesser, là, ça veut pas simplement, tu sais, nous autres, on a finalement juste répété des mots, je m'accuse de... Non. Confesser, ça veut dire arriver à une même parole avec Dieu sur le sujet. Et c'est pour ça que la plupart d'entre nous, on ne sort pas de nos cycles infernales. Parce qu'on veut simplement arriver à avoir une puissance qui nous rend plus conformes, et non une puissance qui nous transforme. Et Dieu ne conforme pas les gens, Dieu les transforme, et ils deviennent, par effet secondaire, conformes à l'image de son Fils. Mais nous, on cherche à être conformes. Et on travaille énormément parce que la chair se dit, je dois survivre ça. Je suis prêt à me prostituer à n'importe quoi, je suis même prêt à servir Dieu. Je vais me conformer. Dieu dit, non, c'est la destruction, tu dois ruiner. L'enseignement du Seigneur Jésus pendant 3 ans, c'était pas d'apprendre à ces gars-là à être des bons disciples. Dans le sens que nous, on pense que c'était. L'enseignement du Seigneur pendant 3 ans, c'était de faire la preuve qu'il n'y avait rien de bon dans deux autres. Avec la conclusion finale, la dernière nuit, quand, en passant, ces hommes aimaient de tout leur cœur le Seigneur. Fait que pensez jamais que les apôtres n'aimaient pas le Seigneur. Ils l'aimaient comme je pense qu'aucun homme a aimé. L'apôtre Pierre aimait le Seigneur comme c'était incroyable. Il l'aimait. Mais le Seigneur lui rappelle, Pierre, tu peux pas me suivre. Pierre, tu vas me renier. Et même Pierre va encore dire, tu te trompes, Dieu. Je sais ce que je ressens pour toi. Comment on entend ça aujourd'hui? Je sais ce que je ressens. Je sais ce que j'ai expérimenté. Je sais que la Bible n'en parle pas, mais je sais ce que j'ai vécu. Destruction systématique de toute autre sagesse. Pour que la sagesse de Dieu vienne et qu'elle nous donne d'aimer Dieu. Et si on aime Dieu, on sait qu'on l'a vraiment connu, que Dieu nous a vraiment connu et Dieu nous approuve. Donc, Socrate, il y a eu la sagesse qui prédispose le cœur, mais il n'y avait pas ce qui pouvait changer son cœur. Le drame avec nous aujourd'hui, l'Église, c'est qu'on a de quoi, on a le message pour changer notre cœur, mais on n'a pas la disposition pour recevoir la sagesse qui change le cœur. Comprenez-vous pourquoi on a besoin de repentance? On n'a pas besoin de regrets. Je vous garantis que dans ce cours-là, il n'y aura pas de regrets. Ça me fatigue, le regret. Ça ne donne rien, le regret. Du monde broye, puis il regrette. Puis pourtant, ça ne change rien. Puis il regrette, puis ça ne change rien. Puis ils haïssent, puis ça ne change rien. Puis ils veulent plus recommencer, puis ça ne change rien. Puis ils prennent des résolutions, puis ils craquent. Puis après ça, ils s'écœurent, puis ils ont promené tout le monde, l'Église, Dieu et compagnie. Ils sont frustrés. Curie, là, moi, là. Je dis, Seigneur, fais un ménage dans nos cœurs, Seigneur. Les gens, donnez-moi pas de complexe. Je te donnerai pas de complexe, Jean. J'espère juste te pulvériser. J'espère juste d'être pulvérisé. Qu'on soit affranchi, que ces tours de raisonnement s'effondrent pour qu'on puisse entrer dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. La liberté glorieuse des enfants de Dieu, elle n'est pas acquise par succès. La glorieuse liberté des enfants de Dieu, elle est acquise par perte. Et pof, c'est accessible à tout le monde. Il faut que tu perdes. Il n'y a rien de plus facile sur la terre que de perdre. Il n'y a rien de plus facile sur la terre que de te voir détruire. Mais le monde bâtit son assurance sur ses conquêtes. Le Seigneur a déjà conquis et nous dit, ce que je te demande, c'est de me suivre, de m'observer, d'avoir la communion avec moi, afin que je détruise en dedans de toi, pour te redonner ta liberté, afin que je puisse planter, bâtir pour vrai. Ça ne peut pas se faire tant qu'on n'a pas passé par ça. C'est ça qu'on va voir durant tout ce cours. Le but du diable, c'est de voiler votre entendement. Et comment il le voile? Il le voile en donnant des raisons valables. Savez-vous quoi? Le diable, ça c'est des choses étranges sur lui, il déculpabilise le monde. Le diable déculpabilise le monde. Ben non, t'es pas si pire. Il y a pire que toi. J'ai vu un gris foncé, tu jurais c'était du noir. Toi, comparé à lui, t'es blanc comme neige. Il nous fait vivre dans un système de comparaison. Paul est dit, quand vous êtes à ce niveau de vous comparer les uns les autres, vous êtes des insensés. Ça n'a aucun rapport. Perdre. Si on n'est pas prêt, en passant, si vous voulez pas voir cette justice de Dieu s'installer dans vos cœurs, si vous voulez pas voir cette sagesse de Dieu s'installer dans vos cœurs, vous avez bien fait de venir juste asseoir et de ne pas revenir la semaine prochaine. Parce que ça risque de vous endommager sérieusement. Si vous voulez. Non, honnêtement, je veux pas que personne soit fâché contre moi, vous comprenez? C'est sûr que c'est gratuit à soi, fait que vous avez rien à perdre. Vous venez, mais pas ça, en disant non, je suis bien, moi, dans mes illusions. Je dis, il va me réveiller, lui, encore? Non, écoute, moi, je me fais acquérir des affaires, puis je suis content, puis tout est beau, puis tu comprends? Si vous voulez rester là, il n'y a pas de problème. Il ne faut surtout pas revenir la semaine prochaine. Vous revenez, vous engagez. Là, vous êtes sérieusement dans un processus dangereux. C'est dangereux. Je vous garantis, c'est dangereux. Le voile devant nos yeux doit être déchiré. Et puis Dieu nous rappelle, puis je vais terminer avec ça, on va tourner dans le psaume 119. Psaume 119. Le psaume 119 nous rappelle que, naturellement, première tendance qu'on a, on ne peut pas se faire nous-mêmes spirituels. On ne peut pas nous-mêmes s'affranchir. Malgré le plus beau programme du monde, ça ne marchera pas. On ne peut pas s'affranchir, on ne peut pas se délivrer nous-mêmes. On ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas se raisonner d'un meilleur raisonnement. À la limite, au maximum qu'une personne peut faire, c'est se gargariser de vérité biblique. Mais ça ne change personne. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous ont fait cette expérience, le vrai. Vous avez mémorisé des Écritures, vous êtes mis sur des programmes incroyables. Première chose que vous avez aperçue, vous avez échoué encore. Psaume 119, verset 25, regardez, il dit. « Mon âme est attachée à la poussière. » Ça, c'est le principe dans lequel on est. « Mon âme est attachée à la poussière. » Regardez la portion de Dieu. C'est là qu'est l'espérance. « Rends-moi la vie selon ta parole. »« Rends-moi la vie selon ta parole. » Selon l'engagement que te prie toi-même, Dieu. « Rends-moi la vie. » Donc, il va falloir réaliser que Dieu démolit tout en dedans de nous pour lui-même bâtir. Si quelqu'un évite, c'est pas qu'il n'est pas capable. Quelqu'un qui évite de marcher avec Dieu, laissez-vous plus jamais, jamais séduire par cette personne-là. C'est pas vrai qu'elle n'est pas capable, c'est qu'elle ne veut pas laisser Dieu agir sur sa vie. C'est pas pareil. Elle refuse l'action de Dieu sur sa vie. Versets 37 et 38. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. À qui le psalmiste demande de détourner ses yeux? À Dieu. Il désire que Dieu lui détourne les yeux des choses vaines. Fais-moi vivre selon ta voix. Faute de révélation, le peuple périt. Le peuple devient sans frein. Mais il est heureux s'il observe ta loi. Accomplis, verset 38, accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Dieu veut faire des choses incroyables pour nous. Puis peut-être que je m'adresse à certaines personnes qui ont plus qu'essayé. Fait que je ne suis pas en train de dire, là, il faut essayer encore plus. Non, non, non, non. Là, il ne faut plus essayer. Là, il ne faut plus essayer pour dire, ben, peut-être qu'on s'est trompé. On est parti plus vite que Dieu nous a dit de partir. On a fait avant même d'être instruit. On était dans une panique parce qu'on ne voulait pas être rejeté. On était des incrédules. Et c'est cette sagesse qui ne connaît pas, qui pense connaître, qui nous a fait agir, la plupart d'entre nous. Il y a des gens qui se sont convertis le lendemain matin, ils étaient dans l'œuvre. Je suis désolé, on est obligé de tout arrêter. Prendre la personne, puis ça va être encore plus dur avec cette personne-là qu'avec un autre, parce qu'elle, elle se confie quand elle parle d'elle, de ses succès et des fois que Dieu l'a utilisé pour se rassurer. Fausse espérance, eau trompeuse, Dieu veut tout recommencer dans sa vie. Dieu veut tout recommencer dans sa vie, cette personne-là pourrait être utilisée par Dieu véritablement. Puis, après ce qu'elle a entendu ce soir, Dieu l'avertit que c'est fini. Dieu est concerné par cette personne-là. Dieu n'est pas un bourreau qui rachète les gens pour les faire travailler comme des esclaves. Et puis quand cette personne-là s'écrase en disant « Ah, t'as pas assez persévéré, salut. » Ah oui, en enfer. Là, il doit y avoir une repentance sérieuse sur Dieu. Parce que si c'est le Dieu que vous prêchez aux gens du dehors, ils font bien de ne pas se convertir au faux Dieu que vous leur présentez. Parce que c'est un idole que vous leur parlez. Et ce Dieu-là n'existe pas. Le Dieu qui nous a rachetés est le Dieu qui établit d'abord ses enfants dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et alors, de notre sein, jaillit des fleuves d'eau vive vers les autres. Il n'est pas dit en train, va emmener à boire aux autres, puis peut-être je te donnerai de l'eau. Non, non, non. Seigneur, avant que je parle de la liberté aux autres, affranchis-moi. Je me soumets à toi, puis je porterai le joug, Seigneur. Verset 50, regarde la consolation qu'il y a, le verset 50, l'auteur ici. Il dit, souviens-toi de ta promesse, verset 49, à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. Dieu nous a fait des promesses. C'est ma consolation dans ma misère. La misère en passant que lui crée sa chair. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Par aussi, il parle des orgueilleux, puis les orgueilleux, finalement, sont toujours ceux qui savent. Le but de Dieu, c'est de détruire en nous toute fausse sagesse. Si vous n'avez pas une destruction de fausse sagesse en dedans de vous, on est dangereusement sur une mauvaise voie. Et on a trop essayé de choses avant d'avoir reçu le conseil de Dieu. Donc, une guerre est engagée, puis c'est notre entendement qui est visé. Et puis, il y a trop de concepts, finalement, qui endommagent la vie chrétienne, qui rend l'Église totalement inopérante. Donc, ce cours va viser à enlever les faux concepts, à soumettre des problèmes éthiques après, et de sortir du noir et blanc évangélique et de rentrer plutôt dans la vie de Monsieur Tout-le-Monde qui est dans le gris. Tu ne tueras point, ce n'est pas un problème. Tu ne convoiteras point, ça c'est un gros problème. Ça se situe dans le gris. On n'a pas un message pour les gens qui vivent dans le gris. On a rendu notre message extrémiste et ridicule. Et c'est pour ça que Dieu veut absolument détruire en dedans de nous ce qui nous empêche de le connaître véritablement et qui donne à l'Église après ça son assurance, sa joie, sa puissance et sa performance. On va arrêter là-dessus ce soir et ceux qui veulent, on continue vraiment officiellement avec les données la semaine prochaine pour le cours. On remet ça au Seigneur. Seigneur, on veut te remettre nos cœurs maintenant parce qu'on a une décision à prendre. Est-ce qu'on s'engage pour aller plus loin avec toi dans ce que tu veux exposer dans nos vies? Est-ce que, Seigneur Dieu, est-ce qu'on serait de ceux qui ont reçu la sagesse d'en haut, mais qui n'ont pas la disposition de cœur que même les païens avaient? L'apôtre Paul disait qu'aux Juifs de son époque, que la parole de Dieu leur a été au fond sans effet. Et que la parole de Dieu avait été même annulée en ce qui les concernait. Ou encore dans Romains, comme on a lu, Seigneur Dieu, l'apôtre Paul rappelle que le vrai Juif, c'est celui qui est circoncis de cœur. Son cœur a été blessé mortellement, afin qu'il puisse plus se confier dans sa propre sagesse. Mais Seigneur Dieu, est-ce que nous, on a été vraiment brisés? Est-ce que vraiment, comme Seigneur, tous les vrais serviteurs de Dieu qui ont fait un impact au travers de toute l'histoire, ont toujours eu cette attitude du brisement. Ils ont toujours parlé du brisement. Quelque chose avait été brisé en eux. Et que la seule chose qu'ils désiraient après, c'était l'obéissance, t'obéir. Même plus faire des choses pour toi, se réaliser, s'accomplir ou te faire des grandes merveilles, mais ils étaient venus à un point comme une odeur douce, comme un sacrifice. Ils cherchaient simplement l'obéissance. Et Seigneur Dieu, est-ce que nous, on est brisés? Est-ce qu'on a au moins la disposition que Socrate avait? J'ai peut-être pas la réponse, mais je vais démolir tous ceux qui prétendent l'avoir quand Dieu ne nous l'a même pas encore donné. Et c'est fini de vivre dans cette fausse assurance, de cette sagesse qui produit crainte ou assurance sur des choses qu'elle connaît même pas. Seigneur Dieu, détruis ces tours de raisonnement. On t'en supplie parce que nous, on peut pas les détruire. On en est devenu esclaves. Parce que souvent, on n'a même pas le courage de s'avouer sage de ce monde qui est une folie à tes yeux. On a peur. On a tellement peur parce qu'on doute tellement de ton œuvre qu'on se lance souvent comme des fous dans l'œuvre pour compenser. On ne sait pas attendre. On n'a pas le temps. On ne prend jamais le temps d'être formé. On sait tout quand tu ne nous as encore rien dit. De quelle sagesse qu'on est animé. Quelle est la source de la motivation qu'on a, Seigneur Dieu? On veut, durant ce cours, être exposé dans l'intimité, mais totalement nu devant toi, afin que tu nous affranchisses, vraiment que tu nous délivres de la sagesse qui n'est pas de toi. Puis peut-être qu'on ne sait même pas c'est quoi. Ça nous possède tellement qu'on ne sait peut-être même pas que c'était pas de toi. Fait que c'est vers toi qu'on crie ce soir, pour te demander, Père, d'agir par le Saint-Esprit, au moyen de la parole de Dieu, au moyen du corps de Christ, au moyen aussi des épreuves, au moyen des bénédictions, que tu puisses nous instruire, nous diriger sur le chemin de la vérité, et de produire cette unité de cœur face à toi, dans ta parole, et que ça produise une unité dans les églises locales comme on n'a jamais vu. Seigneur Jésus, c'est pour ta gloire qu'on est ici. Puis on réalise qu'il va falloir que tu détruises dans nos vies, pour vraiment bâtir. Et ce que tu bâtis ne peut pas être détruit. Et ce que tu bâtis ne peut pas être détruit. Fait que Seigneur Dieu, on est sans crainte devant toi. On vient s'exposer afin d'être transformé de gloire en gloire. Bénis ce cours, Seigneur Dieu. Rends-nous dans des locaux, Seigneur Dieu, plus adéquats pour qu'on puisse poursuivre afin d'être le plus à l'aise possible pour se concentrer uniquement sur ce que tu dis, Seigneur. Et donne-nous tous ici l'onction qui nous instruit toutes choses. Au nom de Jésus, Père. Amen. OK, donc à la semaine prochaine.